témoignage, Amélie. Bonne soirée, au revoir. Toute gentille, Amélie, c'est bien, mais je crois qu'on a cassé le moule. Hein. Les femmes qui rigolent parce que leur mari ronfle, c'est fini, ça. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Dommage. On n'en fait plus, comme Amélie. On n'en fait plus. Marco. Ouais, ouais, c'est moi. Salut Marco. Ouais, c'est lui. Ouais, j'ai un peu plus de voix parce que je viens de boire un match de hockey, puis c'est un peu, je perds la voix. D'accord, Marco. Puis j'ai un copain qui quand il dort, il siffle, il grince des dents. Ah oui. C'est horrible. Oui, dormir avec. On aurait pu faire effectivement un sujet. Parce que dans les camps, j'ai remarqué ça. T'es pas un copain c'est Bernard, c'est toi, des fois. Horrible. Ouais, je crois. Ah, c'est un copain Bernard, Marco, non? Ouais. Tu connais Bernard? Marco! Au taquet. Ah, alors, oui. Marco, donc toi, t'as un copain qui grince des dents en plus. Ouais. Mais c'est assez horrible. Hein. Quand j'essaie de le réveiller, mais puis il arrête pas de. Il fait toujours. 10 minutes après, il recommence. Ça, c'est horrible. Hein. Ah oui, c'est. Ça fait un peu frisser les poils dans le dos. Oui, bien sûr. Frisser les poils du frisson. Encore faut-il avoir des poils dans le dos, hein, c'est toujours pareil. Aussi. On en a parlé la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'à la limite, quitte à choisir, entre les ronflements et les grincements de dents, moi je préfère perso les ronflements. Hein. Ouais, moi aussi. Ah, si tu peux dire à tes copains qu'ils arrêtent de klaxonner. Arrêtez de klaxonner, bande de bâtards. Non, on a dit à tes copains, on n'a pas dit à bande de bâtards. Ah, mais ça va les ans. D'accord, ok, au taquet les gars. Ok, alors bonne soirée. Ok, salut Marco. Repose-toi. Bonne soirée à tout le monde. D'accord, à bientôt, ciao. S'il te plaît Marco, repose-toi. Lionel, si tu fais appeler les gens à 9h-10, 9h-15, je sais pas quelle heure il est, ils sont fatigués, c'est normal. C'est clair, bah on va faire la libre antenne à midi à partir de maintenant. Oui, pourquoi pas. Si le Gordito nous écoute, à partir de maintenant, il fera caliente à 20h et nous on prend son créneau. Voilà, pourquoi en même temps, pas, ça nous arrange. C'est clair. Bon. Alors, on a qui en stock? Jimmy. Ouais, salut, ça va? Bon, oui, très bien, Jimmy. Ouais, ben, moi, je téléphone pour le sujet, pour les ronflements. Oui. Puis je voulais dire que ceux qui ont vraiment des problèmes pour les ronflements, que ça gêne vraiment beaucoup, ben, ils peuvent se faire opérer, non? Ouais, ou arrêter de dormir. Elle est bien, Jimmy, ton idée? Oh, non. Si, elle est bien. Je vais dire, pour encore ceux que ça gêne, ben, ça existe des boules caisses. Oui, mais, ouais. Par exemple, moi, quand je vais dans les camps, pour pas entendre les ronflements, bah, je prends directement des boules caisses. C'est vrai que c'est une idée qui n'est pas bête. J'en entends plus rien. Alors, il y a aussi des petits trucs hein, pour éviter les ronflements, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait? J'ai perdu ma feuille, du coup. On a aussi les petites bandelettes qu'on met pour faire du sport, notamment l'écarteur nasal. Ah, ça, c'est une fille, je pense, là. Qui? Amy, non. Mégane, non. Émilie avec l'accent québécois. Hein. Elle ronfle en québécois, attention. Non, ouais. Émilie, et le troisième? Attention, tu es prête pour le troisième? Pour le dernier, pardon, le quatrième? Ouais. Ah, ça fait mal. Ouais, alors c'est pas évident, quand même. Ouais, c'est dur, hein. C'est un peu normal. Là, moi, franchement, les voici. Non, ouais. Là. Alors, franchement, tu dis... Ah, juste 2 secondes. Directement. Directement, je dirais le seul que je me rappelle pas de son prénom, parce que là, je vois franchement pas qui peut ronfler comme ça. C'est pas Mégane, elle peut pas ronfler comme ça. Hein. Bah écoute, on va pas t'en dire plus. Hein, Ok, bah je dis elle machin là. Elle Gordito. Elle Gordito d'Oro. Ok, donc le premier c'était Lionel, le deuxième c'était Marty, le troisième Émilie et le dernier le Gordito d'Oro. Attention. Réponse en son. Le premier, donc celui-ci. Mais non. Alors là, tu avais voté que c'était Lionel. Je te hais. Il s'agissait de Az. Ah bon? Ah, c'est Az. Fort. Non, c'est caché. Ah, c'était vraiment un salaud. Si tu nous écoutes. Le deuxième. Mais tu pensais, possible. Tu oui, je me suis réveillée, j'ai entendu blind test, j'ai appelé après j'entends. Et toi, arrête de te plaindre s'il te plaît. Donc tu pensais que c'était Marty, il s'agissait de Lionel. Mais on a marre, Attention, mais il y aura une bonne nouvelle dans l'histoire. Ah, ok. Là tu avais voté pour Émilie, et en effet il s'agit d'Émilie. J'aurais dû l'écouter avant, voilà. Si elle avait raison pour tout, mais c'est bon, ta gueule. Et le dernier. Il ne s'agissait pas d'El Gordito de Oro, mais de Enzo. Oh, c'est ce que je voulais dire. Je peux pas rectifier. Et voilà. Voilà, comment casser son image, donc, en 2 secondes et demie. C'est un métier difficile. Hein. Yasmina, tu as marqué quand même un point, donc on va garder tes coordonnées. Parce qu'il peut y avoir des personnes, tous les autres, qui fassent zéro. C'est pas mal parce que c'est pas évident du tout. Même nous, en connaissant tout le monde ici, moi qui n'avais pas participé à ce blind test, je savais pas qui ronflait et j'en ai trouvé aucun. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport au ronflement? Bah bien sûr. Bien sûr. Alors c'est les personnes qui ronflent, elles ont toujours tendance à dire qu'elles ronflent jamais, quoi. Ah, et même bah quand vrai. Tu les enregistres, c'est pas vrai, quoi. Enfin moi dans ma famille, il y en a plusieurs qui ronflent et il y a personne qui ronfle, quoi. C'est affreux, quoi. Ouais, c'est non, souvent non, c'est pas moi, la défense, ouais. Moi par exemple, je ne ronfle jamais, c'est pas moi. Ouais, mais moi non plus, puis voilà. Ouais, toi non plus, donc tu ronfles. Non. Non, elle a raison dans ce qu'elle dit. C'est vrai qu'en général, tout le monde fait de la mauvaise foi par rapport à son ronflement. Pourquoi est-ce qu'on a honte de ronfler? Apparemment, oui. Hein. Non, mais je sais pas. Oui, ça emmerde tout le monde, c'est logique. Hein. Moi, mon chien ronfle. C'est insupportable. Enfin, non, c'est même drôle. Bon, je vais vous laisser. Bonne soirée. D'accord. Je dis à coucou à Inès. Et puis voilà. Yasmina, d'accord. Il faut que tu ne quittes pas parce qu'il va falloir que tu donnes tes coordonnées à Mégane afin de. Voilà. Voilà. Puis tu dis à ta soeur qu'elle se calme un petit peu parce que un peu pénible hein, quand même. Hein. Ça suffit maintenant. Bon. Mégane va prendre ses coordonnées. Donc, on attend une deuxième personne pour le blind test des ronflements et puis quelqu'un encore pour le blind test avec musical, les musiques. Les versions originales. Je vous rappelle le principe. On a été repiocher les versions originales des morceaux qui sont joués actuellement. Il faudra tout simplement nous dire à partir du morceau original quel titre. Quel est déjà l'interprète original et puis ensuite quel interprète a repris. Ah ouais d'accord, tu veux carrément dire. On met beaucoup de points. Ok, ça marche. Voilà. Là je pense qu'il faudra une personne qui est quand même à un certain âge minimum 25-30, histoire de pouvoir maîtriser les morceaux originaux. Bien, nous avons avec nous 022-807-1040 Mississippi. Comment ça va? Oui, bonsoir. Salut Miss. Tu nous appelles d'où Mississippi? Ben de Genève, enfin de près de Versoix, mine. D'accord. Voilà. Alors ben en fait, je voulais dire que par rapport aux gens qui parlaient en dormant, alors en fait, ça c'était arrivé à la mère d'une de vos fidèles auditrices, ben toilette portable. Oui. Qu'une fois, ben, elle dormait, puis ben lui a posé une question, et puis elle lui a répondu, faudra pas oublier de sortir la pierre du frigo. Donc en effet, il n'y a aucun sens, elle a sorti ça comme ça, puis quand elle s'est réveillée, elle lui a demandé, puis non, elle s'en souvenait plus, elle a dit non. Il y a un sens, il y a un sens dans cette phrase. Lorsque tu fais sortir la pierre du frigo, oui. Lorsque tu fais une charbonnette, c'est sur une pierre et comme elle est chaude avant de la nettoyer, tu la mets un petit peu au frigo. Non, la pieuvre. Ah, la pieuvre. Ouais, la pieuvre. Elle mangeait de la poulpe peut-être le soir. Ouais, peut-être. C'est du poulpe, bon. Quand même. C'était pour voir si tu suivais, Martin. Oui, je suis bien. C'est bien, pas mal. Et puis aussi, il y avait Jimmy qui disait que ceux qui grinçaient des dents, parce que bon, à ce qui paraît, ça m'arrive. Et eh ben qu'il fallait mettre une espèce de protège-dents, mais je sais pas s'il en a déjà vu un, je veux dire c'est énorme ces trucs. Ouais, pour dormir avec, il pas faut gagner. Il faut pas en mettre en haut et en bas un protège-dents, t'en mets juste en haut par exemple. Non mais en haut même. Voilà, quoi, c'est pas gagné. D'ailleurs, protège-dents qui protège pas grand chose hein, entre nous. Hein. Pardon? Je dis un protège-dents qui ne protège pas grand chose entre nous. Hein. Ouais. C'est vrai. Hein. Et peut-être puis, des grincements de dents, mais c'est tout. Puis aussi, je voulais dire que dans ma famille, mes parents ils ronflent, les deux. Mais par contre, il n'y en a aucun qui avoue. Non, chaque fois c'est non, je ronfle pas, non, rien du tout. Mais bon, c'est assez terrible. Ça mais doit bon, être... Ah oui, quand vous partez en vacances, genre faut pas partir en camping-car hein, tous ensemble. Hein. Ça doit être terrible, oui. Non, c'est terrible. Mais le pire, c'est quand même, c'est mon cousin. Parce que quand on avait 10-11 ans, comme ça, on dormait ensemble. Puis, mais lui, c'est le champion du monde quoi pour ça, vraiment. Parce qu'on a beau siffler, pincer le nez, donner des coups de coude, mais c'est impossible. Ah non, c'est vraiment... C'est horrible, quoi. Faut jamais être excité pour dormir. Alors toi, vu que tes deux parents ronflent, est-ce que tu as des techniques particulières pour les faire arrêter ou non? Non, pas du tout. Même, on peut leur... Déjà, on peut essayer de les réveiller. Ça marche pas, parce qu'ils dorment vachement profondément. Ah oui. Donc non, c'est pas gagné. Une fois qu'ils ronflent, ben voilà, il faut... C'est parti avec. Pour l'insomnie, quoi. C'est parti pour une dure nuit. Vive les boules qui est. Vive les boules qui est, hein. Ouais, vive les boules qui est. Très bien. Merci, Mississippi. Ok, de rien. Bonne soirée, ciao. Allez, ciao. À bientôt. Lionel, est-ce qu'on peut tenter... Non, t'es peut-être pas prêt, hein. Je te prends au dépourvu. Juste un petit blind test musical. Ouais. Comme ça. Clac. Tu en veux juste un? Juste un pour... Ça vous nous appeler hein, en attendant pour vous sélectionner, pour le blind test musical, mais également pour les ronflements animateurs. Eh ben tiens, je te mets un son, là. Alors ça c'est l'original, ouais. Attention. Hein. Mais il ressemble beaucoup, il est facile ouais, celui-là. Facile, ouais. Ouais, alors, ça oui, fait bien. J'ai une bonne réponse à côté de moi, mais ça c'est la version originale de Stevie Wonder, voilà. Qui est le As, qui était repris par George Michael. Oui, George Michael, exactement, le voici. Et elle ressemble comme deux gouttes d'eau. On c'est se bon, rend compte quand même qu'il s'est pas trop emmerdé pour refaire la chanson. Hein. Bah, je dirais que les quelques dernières années qu'on a vécues, pratiquement tous les artistes ne se foulent pas trop. Non, hein, on va chercher dans la discothèque de papa-maman. C'est du sample des années 80. Hein. Papa, je veux faire un type là ce week-end. T'as pas un vieux disque? Bah, c'est grave. Hein. D'accord. Donc bah, si vous voulez jouer avec nous, retrouvez à partir de la version originale le morceau actuel. Bah, vous nous appelez pour vous sélectionner. On a des billets pour le en jeu. Voilà, des billets pour l'anniversaire de OneFM la semaine prochaine au Macumba. Avec, tu peux en parler, la présence de Ron Carroll notamment. Dance Floor d'une part, avec le hit à la house, trans, techno, latino, disco. Il y aura la présence des résidents de OneFM, notamment Jürgen, Doug, Mephisto, El Gordito de Oro, dont on parlait tout à l'heure. Mirko Meni également. Il y aura encore, bien sûr, sur la scène du Macumba, en spécial guest, eh bien, Ron Carroll qui viendra tout droit de Chicago. Et puis en plus de cela, en live act, Lehman West, que vous avez entendu notamment sur OneFM, Skyline, Club Session featuring Azania. Donc, un bon petit programme. En... Voilà, puis toute l'équipe de One pour venir faire la fiesta avec vous. Oui, on va faudra nous trouver. Voilà, et on vous offre des invites donc, puisqu'on a fait un week-end spécial et on en offrira également toute la semaine prochaine. Allez, la suite au standard avec encore du monde et... James. Oui, bonsoir. Bonsoir, James. Moi, je veux dire que... Il n'y avait pas que les humains qui ronflaient, il y avait aussi mon chien. Ouais, oui, bah alors on a un point commun. Voilà. Tu m'appelles d'où, James? D'Argier, c'est en Tunion. D'accord. Et ton chien ronfle beaucoup? Non, pas. J'ai testé pour vous le chien qui pète et qui ronfle, et c'est vrai que c'est assez terrible. Quoi d'autre, James? Non, je veux dire qu'il y avait mon frère, qui a 10 ans. Hein. Au début, comme on avait changé quelque chose dans la maison, enfin, les chambres, moi, je devais dormir à côté de lui. Puis il faisait que de ronfler, des trucs comme ça, ça m'embêtait. Puis ton frère est ton frère était un chien? Non, non, mais... Alors qu'est-ce que t'avais comme technique pour l'empêcher de ronfler? Oh, rien. Là, moi, j'arrivais quand même à dormir, mais... j'attendais une heure à peu près. Enfin, j'arrivais pas à m'endormir avant, quoi. Mais toi, tu restes zen, en fait. T'attends que tu te rendormes. Ouais. Tout simplement. Ça marche, James? Merci, puis nos amitiés à ton chien. Hein. Ouais. Ça marche? Ok. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Dans un instant, on parlera avec Red Bullet. Red Bullet, on parle de quoi avec toi dans un instant, s'il te plaît? Du ronflement. Du ronflement, mais ça tombe bien. Très bien. Ouais, hein. Avec un peu plus de précision, non? Sur les parents. Ah, c'est dur. C'est rude. Tu as la chambre à côté d'eux? Non, mais disons que quand je rentre le matin, je dois passer devant la chambre de mes parents. Et vu que mes escaliers font du bruit, j'essaye de repérer avant de monter si mon père dort, quoi. Ouais, ou tu peux monter les escaliers en simultané avec le ronflement. Ne bouge pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme télévision? Tous les dimanches, 20h, 22h. Les façons de vous répondre, vous rappelez demain. Libre antenne OneFM, 022 807 10 40. Excuse-moi Marty, excuse-moi. Non, je voulais juste, j'en parlerai après. Il y a une pub là en ce moment qui passe à la télé qui est assez terrible sur un mec qui rentre chez lui et qui fait tout pour pas que ça grince. C'est pour un lubrifiant, je crois, un dégrippant en fait, de serrure, de gonds, de porte. J'ai pas vu. Toi, t'as le temps de regarder la télé, je vois. Bon. Outcast, 022 807 10 40, Mrs. Jackson. Mamas, mamas, baby mamas, mamas, yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I am for real, real, never meant to make your daughter cry, I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson, you look at the way you treat me. Skill or no homegirl, they got assing up the creek. C'est bon. Normalement, si tu écoutes bien le sample, il y a des moments où tu te dis que t'aimerais mettre d'autres paroles sur le morceau et tu vas reconnaître. Ouais, ça m'énerve, tu te rends pas compte. Bon, et alors mets-nous la version actuelle. Bon, et ben ça fera 0 point alors. Hein. Oui, c'est pas grave. Ah oui, mais c'est... Mais pardi. Alors c'était quoi la version actuelle là? C'est tout frais ça, hein? Ouais, c'est tout frais, mais... Oh non, t'as pas trouvé? C'est Janet Jackson. Oui. Voilà. Janet Jackson, le titre. Le titre. Elle le dit. Elle en plus au début, écoute. Alors pas avec le Lactal, c'est pas super, un truc du genre stepping, you, je sais pas quoi. Presque ça, ouais, c'est presque ça, c'était all for you. C'était presque, hein, presque ça. Presque hein. Bien, ouais. Bon allez, un petit deuxième. Bon, alors, ouais. Pour info, la version originale, c'était le groupe Change. Ouais, avec le okay, titre quoi. Glow of Love. Voilà. Voilà. Alors, Maître Marty, combien de points sur le coup? Bah pour le coup, on va lui laisser Janet Jackson, on va être sport. Voilà, ça fait un point. Merci, c'est gentil. Allez, aura, la suite. Il y aura trois titres au total, hein, puis il y aura une autre personne qui concourra. Deuxième titre. Bah là, c'est facile, hein. Ouais. C'est bon, ça t'a arrêté là. Alors ? Bon, je peux te dire seulement la remix, mais l'original, je sais pas. Bah, remix, c'est Will Smith, Man in Black. Oui, bien. Eh ben bah voilà, tu vois qu'on y arrive. Et c'est là qu'on se rend compte que... Ils pompent tous. Ah, ils pompent grave. Hein. Donc la version originale, c'était Patrice Rushen, avec le titre Forget Me Not. Ok. Voilà. Et attention, le dernier... Donc là, il en est déjà à 3 points. Hein. Un point sur Janet Jackson, 2 points sur le suivant. Et le dernier, le voici, le voilà. C'est un monument. Et celui-là aussi, il est facile. Hein. C'est un monument, ça, ouais. Bah, c'est... On va entendre la voix. On va entendre la voix. C'est bon. Alors, la version originale, tu l'as trouvée ou non? Non, pas du tout. La version actuelle? C'est MC Solar. Avec, oui, joli. Avec. Attends, je réfléchis. Les paroles, c'était... Elle est en train de regarder l'album, c'est... Viens dans les quartiers voir le paradis, où les anges touchent les Rémi. Tu peux me passer le titre original, peut-être que je trouverai. Non, tu trouveras pas le titre si, du morceau. Le... Non, pas dans le refrain. Non, pas dans le refrain, mais ça rappelle... Peut-être. Bon, elle a déjà trouvé MC Solar. À chacun son paradis. Tu peux accélérer quand même, hein. Un petit peu, ouais. À chacun son paradis. Bah arrête-le, parce que sinon elle va pas... Alors? C'est facile. Maintenant. À chacun son paradis, le titre. Non, c'est presque ça. C'est presque ça, encore une fois. Hein. Trop simple, non, je sais pas. C'est quoi? Oui. C'est paradisiaque, le titre d'MC Solar. C'est juste. Bah, oui. Merci, j'ai une bonne réponse alors. C'est bon? Bah ça fait 4 points, c'est bon. Alors la version originale, ouais, t'as une idée, points, c'est une femme donc. Ah tu veux que je te dise, mais j'en sais rien. Ce moi. Ce serait bien. C'est une grande copine à Michael Jackson. Donc ça s'appelle un blanc ça. Hein. C'est pas Janet. Non, c'est une copine. C'est pas ta copine. Hein. C'est, on peut dire c'était la copine de Michael Jackson. Pas celle avec qui il a couché, mais sa copine quoi. Sa grande copine. Ils ont joué au Lego. Ils sont ensemble. Bien engueulés aussi. Alors non, aucune idée. Je dirais Elizabeth Taylor, mais elle chante pas. Donc voilà, donc déjà ça, on l'élimine. Bon bah, c'est l'autre. Rien, hein. Je connais pas les relations personnelles de Michael Jackson. Si c'est pas Elizabeth Taylor, c'est l'autre. Il avait deux grandes copines, Michael Jackson. Alors. Bon, c'est Diana Ross. En ce moment, il est en train de brancher Britney Spears, mais non, c'est pas pareil. J'en sais rien, écoute. C'est Diana Ross, oui. Ouais, d'accord. Et le titre, c'était Love Hangover. Ok. Voilà. Ok. Bon, bah, elle a quand même marqué 4 points au total. Ouais, c'est bien. C'est quand même pas mal. La prochaine fois, sans les titres originaux, s'il vous plaît, ce serait mieux. Non, elle a marqué 5 points avec le MC Solar. MC Solar, elle n'a pas trouvé le titre. Non, mais elle a donné le MC Solar, en tout cas. Oui, donc ça fait 5. Nous avons un point pour Janet Jackson. Yes. Un point pour Will Smith, Men in Black. Un deuxième point, ça fait un total de 3. Et un point pour MC Solar qui fait 4. Ça fait 4, c'est ça. Le compte est bon. Voilà, autant pour moi. Merci Maître Marty. Et on remet Diffran dans le Lourin. Dans le Lourin, c'est ça. Bon, Hera, tu ne raccroches pas, on va prendre tes coordonnées. Si personne ne te bat, tu repartiras avec tes places pour Macumba. Ça marche? Ok. Et bravo quand même. Merci. Et on repart avec le sourire. Mais oui. Avec les dents. Voilà. A bientôt. Allez, à la suite. Tu ne bouges pas. Patrick, 19 ans. Ah, il reprend son téléphone qui était déposé. Absolument, ouais. Et il est à la radio aussi, pour pas faire de bruit. Oh, c'est bien, Patrick. Bravo. Félicitations. Merci. Alors, bon, moi j'ai trouvé un moyen pour retourner les ronflements à mon avantage. En l'occurrence, les ronflements de mes parents. Oui. Donc, la seule vidéo de notre maison se trouve dans leur chambre. Et bon, ils sont assez cool et ils me laissent enregistrer des films, même s'ils passent assez tard. Par contre, ils se plaignent du bruit du rebobinage. Ouais, bon. D'accord. Rebobinage, oui, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Très bien. Alors, à la fin du film, je vais éteindre la vidéo pour pas les réveiller. Je marche dans leur ronflement. Parce que les deux ronflent énormément. Et ils rembobinent dans le ronflement, tu sais, à chaque fois que ça. Tu marches dans le tempo, quoi. Exactement. D'accord. Et donc, mes parents se plaignent du bruit du rebobinage. Mais il faut voir, eux. Du mal, hein, avec ce mot. Les deux ronflent. Ma mère se plaint énormément du bruit que fait mon père. À ce qui paraît, ça l'empêche de dormir. Et souvent, ça fait quelques embrouilles. Ça... Ouais, tu me laisses pas dormir. Mais si, bien sûr. Mais non, je dis. Patrick, mais elle aussi, elle. Patrick. Oui. Troisième essai, rembobinage. Rebobinage. Non, rembobinage. Ah, bien. Rembobinage. Voilà, voilà. Facile, hein. Maintenant, trois à la suite. Rembobinage. Rembobinage. Ben voilà. Très bien. Et Patrick, tes parents, ils se plaignent du bruit du quoi, du magnétoscope? Du rembobinage. Ah, oui, quand même, c'est pas évident à tous les coups, hein. Eh non, heureusement. Mais c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que ta cassette revienne bien à zéro, hein. Oui. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, hein. T'as raison. Donc toi tu marches dans le tempo du ronflement de tes parents. Voilà. Alors quelquefois je suis en équilibre quand il y a un bruit, quand il y a un vide, quand il n'y a aucun des deux qui ronfle, comme ça je me tiens en position de la grue et puis. En gros, si ça arrête de ronfler position pendant. Position de la grue. Mais hein. Si ça arrête de ronfler pendant deux heures, ben, je tiens. T'es mal quoi. Je tiens, c'est bon. Ah. Je... Attention, quel est le temps record que tu as tenu? Non, c'est 10 secondes, pas plus. Oui, parce qu'après, il y a le rembobinage. D'accord, du magnétoscope qui pose un problème. Tout à fait. Voilà, faut intervenir, t'as raison. Rapidement. Merci Patrick. Mais de rien. Et puis encore juste une chose. Oui. Vous avez raison, là, pour les chanteurs, c'est vrai que ces derniers temps, on se demande s'ils sont en manque d'inspiration, mais ils font que de pomper sur les anciens. Bon, on peut se demander deux choses, effectivement, s'ils sont en manque d'inspiration, mais également si, justement, les années 80 n'étaient pas une excellente période musicale. Oui, justement, hein. On peut se dire qu'il voilà. y a du jeunisme dans l'air. On fait que de parler ça, justement, tout ce qui est jeune, c'est vachement cool, mais on se rend compte maintenant que ce qui s'est passé avant, c'était pas si mal non plus. Mais il y a plein de titres actuels qui sont repris et qui viennent justement de ces années disco, de ces années funk 80 et, mm-hmm. Et oui. Il n'y a pas que ça, hein. Y a aussi des titres rock qui sont repris. C'est le cas notamment des Corses qui ont fait quelques reprises de titres rock des années 70 notamment. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils vont sampler dans les années 2020 par exemple? Ils vont sampler les années 2000 mais qui sont déjà des samples des années 80, donc on s'en sortira pas là. Et on ne se souvient pas assez que souvent c'est des samples d'Edith Piaf et compagnie. Voilà. Non, c'était un beat pour moi également. Oui, d'accord, Jeanne, mais... Bon, ça arrive. C'est la vérité quand même. Hein. Si tu cherches, tu trouves, hein, c'est normal. Merci Patrick. Merci vous. Un petit dernier pour la route, ça nous ferait plaisir. De quoi? Du rembobinage? Ah, bien. Merci, salut. À bientôt, ciao. Bon, alors on essaye de joindre désespérément depuis tout à l'heure Bernard et son rire exceptionnel, mais apparemment Bernard est à son concours de pétanque. Bernard, alors, c'est réagit. Pas la pétanque, hein. C'est pas la pétanque, c'est vrai. C'est la boule lyonnaise. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler Bernard? Rappeler Bernard, ça serait bien. Bernard, si tu nous écoutes, appelle-nous quand même. S'il te plaît. Un sujet comme ça, il va avoir des choses à nous dire. Mia, dans un instant, on parle de quoi avec toi, s'il te plaît? C'est Mia ou Mila? Mila. Excuse-moi. Mila, on parle de quoi avec toi dans un instant? Bah, j'ai un gros problème avec mon chat, en fait. Avec ton chat? Ouais. Il ronfle? Il ronfle et il miaule la nuit, c'est affreux. Bon, on en parle dans un instant, ne bouge pas.